bien bonjour les amis, vous êtes bien sur Fadjel 94.2 pour l'émission Cold Dubi Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vous présente 8 artistes fabuleux comme Pompis, Sativa, Tanto Metro, sans oublier Bigaranx, Crooked Trees, Eli Kamano, Rasnaya et pour finir, Rutera. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Pompis. La chanson est sortie en 2013 et elle s'appelle Rude Boy. Y'all them want me, que mo ye pali fezami, Pompis, there, hatch me. Y'all know moi c'est Pompis, c'est que Eril Gyalé, sans pas connaître l'échec, les mots Jack Norris ou pas même, ouais moi d'ailleurs, tout bout de compte au licence, c'est le seul et l'unique, pas ni affaire des podis. Y'all ouvre sa flèche, y'a qui venu, y'a collé son épaule, savent devant Pompis, pour m'en pas qu'à courir, y'a déclaré, oui, j'ai pas tout dit, y'a mon cabaye depuis fort fun, j'suis ma tour. Bah mon nègre chapin, chapé collé, j'ai pas le temps pour les gamines. Gâté pourri, non, 100% des gars ça finit. Toujours collé, vini ghetto, sans vini ghetto, pour vini ghetto. T'en va coller, satisfait ou remboursé. Cal c'est promis, plus t'émine amène. Pas jamais qu'à être trop vite, non, ma obade. Nous kaboué, qu'on lip, tonique, latini, et chip, sérieux, la panie, et chip comique. L'autre boy qu'on n'a pas jamais fait lèche vitrine. L'autre boy qu'on n'a pas qu'à faire copain, copine. Boy, qu'on nous capte des coachs, je continue, pensez nous qu'on va me faire des hémoglobines. Good boy, qu'on nous pas besoin pièce caféine. Good boy, qu'on nous capte pas femme bon vitamine. Good boy, qu'on nous c'est road sex machine. Mais t'as l'eau, qu'on y vend, qu'on dashing, dashing. Dans ma ouais, c'est y'a point noté, pas qu'à comprendre en patate. Tout vivait sur place, nous caga les femmes, pas qu'à dial. Caplié y'en dé, y'en pas moutant d'aclapis. Hear this, bambok la. Et c'est pas bien, mon pas j'ai un café camarade. Number one, nous font tout petit parade. Ici anglaise, française, africaine ou arabe. Ici 6h30, girl, straight forward. Road boy, qu'on n'a pas jamais fait les vitrines. Road boy, qu'on n'a pas qu'à faire copain, copine. Road boy, qu'on n'a qu'à faire des coachs, je continue. Femme, si nous qu'on va me faire des hémoglobines. Road boy, qu'on n'a pas besoin de pièces caféine. Road boy, qu'on n'a qu'à pas femme bon vitamine. Road boy, qu'on n'a c'est road sex machine. Bête à l'ouf, on y vend, qu'on dashing, dashing. C'est pompé, c'est que Eril Gyalé. Sans pas connaître l'échec, que les mots Jack Norris ou pas même. Ouais, moi d'ailleurs, tout bout de compte au licence, c'est le seul et l'unique, pas les affaires des podés. Y'all ouvre sa flèche, y'a qui venu, y'a collé son épaule, ça va devant poum poum en bas qu'à courir. N'a déclaré, oui, j'ai pas tout dit, y'a mon cabaye depuis fort fun, j'suis ma tour. Bah, mon nègre chabine, chapé collé, j'ai pas le temps pour les gamines. Gâté pourri, non. Sans dégâts, ça finit. Toujours goli, vini ghetto, sans vini ghetto, pour vini ghetto. Non, à coller, satisfait, ou remboursé. Cal, c'est promis. Bills, émine, amène, pas jamais, caille trop vite, non, ma obade. Nous, cowboy, qu'on lip, tonique, latini, et chip, sérieux, la panie, et chip, comique. L'autre boy, qu'on n'a pas jamais fait lèche vitrine. L'autre boy, qu'on n'a pas qu'à faire copain, copine. L'autre boy, qu'on n'a qu'à faire des coachs, je continue, fancy, nous, qu'on va me faire des hémoglobines. Eh bien voilà les amis, c'était Pompis. Allez, je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Sativa. Il va chanter la chanson Obradeira, c'est du portugais. Et vous allez voir, eh ben c'est super bien. Tentou mexer com a obra de Já. Aquele dread ficou malaico. Tentou mexer com a obra de Já. Não se mexe com a obra de Já. Não se mexe com a obra de Já. Não, não, não. Não se mexe com a obra de Já. Não se mexe com a obra de Já. Essa obra é construção. Foi já quem assim se quis mostrar. Aqui na terra encontrou o seu lugar. Escuta, olhas para o céu e nas estrelas não vais ver. Pois foi no chão que já quis aparecer. Sua raiz cresceu e abraçou todos os homens que já encontrou. Aquele dread ficou malaico. Tentou mexer com a obra de Jah. tentou mexer com a obra de Jah. Danço, mexe com a obra de Jah. Danço, mexe com a obra de Jah. Não, não, não. Danço, mexe com a obra de Jah. Danço, mexe com a obra de Jah. Essa obra é construção. E quem a vê tem o poder da criação. Foi Jah quem assim se quis mostrar. Aqui na terra encontrou o seu lugar. Mas nem assim conseguiu impedir a ambição de alguns em conseguir trepar a árvore que já deu para abrigar. Quiseram homens ocupar o seu lugar. Aquele treino ficou malaico. Tentou mexer com a obra de Jah Farai. Aquele treino ficou malaico. Tentou mexer com a obra de Jah. Mexe com a obra de Jah. Danço, mexe com a obra de Jah. Não, não, não. Danço, mexe com a obra de Jah. Danço, mexe com a obra de Jah. Bien voilà les amis, c'était Sativa. Allez, la chanson suivante se nomme Give It To Her et le chanteur se nomme Tanto Metro. Yo, you say if you request it. Ooh, yeah man, let's see have it. She can't get away. Could never no, no. Give it to her hard. More we need. You know, Tanto Metro and Devante. Uh-huh. Oh. Listen up. She said she them fi know the score, y'all I can't ignore. Them better know. Yeah. No, we need to know. Yeah, for boy. Man a gangali, y'all a hard for me. Punch if me walk from tree to tree. Engine run down, me service it free. Now be like, say, why you put your love was like cigarette, cigarette. If she said she wanted, if she said she need, what? If she said she love it, give it to her, please. Give it to her, give it to her. If she said she see me, can't forget the rap out now, is it? amis, c'était Give It To Her. Et pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à un chanteur qui se nomme Bikaranx. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Ordinary Day. Allez, c'est parti les amis. La la la. It's a new day, a new life for me. A new struggle, I come with a new strive for me. Gotta give thanks to the people who can be for me. And we celebrating this smoking kush spirit. Lord, keep myself away from that poverty. Cause there's nothing that the system wanna offer me. Mind can scan the masquerade, but it's still over me. Lord, God, cover me. Whoa, and some say it's just a day, another day, ordinary. Such a miracle, I gotta give thanks and praise. Some say it's just a day, another day, ordinary. But the life for me is such a miracle, I gotta give thanks and pray. I give thanks every day so the blessings multiply. Overfly, bigger rocks, the Lord has strength, glorify. You stay stupefy and you can't deny. Celebrate on day number one, qualify. We get the teaching and the lesson from the world. Samurai represent for the Zulu and the Ragamuffin tribe. Post it over Glasgow and over Chiangai. For simplify my life, they can't unify. Some say it's just a day, another day, ordinary. But the life for me is such a miracle, I gotta give thanks and pray. Some say it's just a day, another day, ordinary. Such a miracle, I gotta give thanks and pray. Miserable, they want divine, my goggles still me struggle on the battle. Now they can't stop my hustle. Be a street music, no Scottish wackle truckle. I don't wanna ordinary living kind of trouble. So easy to live until you come terrible. And anything you do it as a sample. Born and be raised as a child disciple. Not then still you cripple. What a damn day, some say. It's just a day, another day, ordinary. But the life for me is such a miracle. I gotta give thanks and pray. Some say it's just a day, another day, ordinary. But the life for me is such a miracle. I gotta give thanks and pray. Bien voilà les amis, c'était Bikaranx. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur qui s'appelle Chronic Threads. La chanson se nomme Rebel. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après Merasta. D.I.S. O'Brown. Busy Boy. I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I young and I've been doing what I want, yeah. Can nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking care of this healing can't stop this feeling. I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I young and I've been doing what I want, yeah. Can nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking care of this healing can't stop this feeling. Rich people, look around, we all equal. Revolution for my people, crooked cops forever evil. Take it to the extreme, born a rebel with the dream. Throw with me with the lean, my peeps on that big screen. Do I, when I, what I want, yeah. Since I was yay, how I do what I want, yeah. Hate dies, people rise, sunrise, blue skies. A rebel in your eyes, I feel so alive. My life, one life, LA to NY. Ghettos all rise, let's unite this worldwide. This is how I stay free, all day do me. Hands in the air, my people, won't they just let us be? I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I young and I've been doing what I want, yeah. Can nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking care of this healing can't stop this feeling. I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I young and I've been doing what I want, yeah. Can nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking healing, can't stop this feeling. Yeah, it's your boy BZ. Never do this now. I'm a rebel, James Dean. Yeah. I'm a rebel, Bob Marley. I'm a rebel, Tupac Shakur. Yeah. Fist in the air for freedom. This is what we fighting for. My mother couldn't buy me any shoes or any clothes. So I do what I want, mean it's life where I lose. Anything from my mind, see I murder that for sure. Cause I'm here for a reason, could be box up full of rules. It is music here, relieve the life I fear. Take me away from the trouble and the negative here. Headed further, most of them I think you're mistaken, a hustler. Watch out though, I think it's a problem, see, yeah. I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I young and I've been doing what I want, yeah. Nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking care of this healing can't stop this feeling. I'm a rebel, so I do what I want, yeah. Since I'm young and I've been doing what I want, yeah. Can't nothing stop me, I've been beaten and scarred. But the music taking care of this healing can't stop this feeling. Allez, Martin. Allez, notre prochaine chanson s'appelle Africa. Elle est chantée par Eli Kamano. Et vous allez voir, c'est juste super. Les dirigeants du tiers monde. monde. Si nos blères ne seraient pas libres, Sarkozy ne serait pas libre, George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers monde. Oh mama, oh mama Africa. Oh mama, oh mama Africa. Bien voilà mes Rastas, c'était Ellie. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui s'appelle Rasnaya. Il va nous interpréter la chanson Kangoman. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Bon bah apparemment il y a un petit problème technique, la musique ne veut pas partir. Du coup bah je vous propose qu'on passe sur la dernière musique. Hein. Je suis vraiment désolé mais bon faut savoir hein, qu'on est dimanche soir donc c'est vrai que le matériel est un peu fatigué, hein, faut le pardonner. Mais bon, allez passons à la dernière musique, c'est Rutera, Müller Africana et... Puis bah voilà, on va écouter ça, puis c'est parti. Cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le petit problème technique qui est venu.